الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه جل وعلا رحمة للعالمين وحجة على عباد أجمعين وهو إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إن شاء الله تعالى on continue quant à la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et la semaine dernière on s'était arrêté et on avait parlé de quelques points importants concernant la jeunesse, الشباب, la jeunesse du prophète عليه الصلاة والسلام. Et il me restait un ou deux points, ou plutôt un point principal à traiter concernant sa jeunesse, ou plutôt la fin de sa jeunesse. Et on avait parlé de certains points concernant sa jeunesse, et certains événements importants que tout musulman et musulmane qui prétend aimer le prophète alayhi salatu wassalam se doit de retenir et faire l'effort de retenir. Parmi ces événements importants qui s'est passé dans la jeunesse du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu le pacte d'Al-Fudul. On avait parlé de ça la semaine dernière. Naam. On avait parlé du pacte d'Al-Fudul, donc ce pacte qui consiste à s'associer entre, ou plutôt cette association qui a eu lieu entre les Arabes, entre les Quraysh à la Mecque, et dont le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui-même, a participé. Et le but était de quoi? De défendre toute personne qui était opprimée dans l'enceinte de la Mecque et de la terre sacrée. Parmi les événements importants aussi qu'il y a eu lors de la jeunesse du prophète, alayhi salatu wassalam, quelqu'un va nous rappeler, inshallah ta'ala, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement important aussi, qu'on a cité. Il y a eu le mariage avec Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha wa ardaha, alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, comme l'ont rapporté les historiens, avait à peu près 25 ans. Ça, alors que Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha wa ardaha, en avait à peu près 40 ans. D'accord, donc on a raconté aussi cette histoire et comment s'est déroulé ici ce mariage. Donc on avait parlé aussi d'un autre événement, c'était l'événement qui concernait l'histoire avec Bahira, donc le moine. Naam, donc c'était un événement important aussi. Donc tous ces événements sont de sources authentiques bien sûr. Hein. Donc c'est des événements qu'on se doit ici de retenir hein, et d'apprendre inshallah ta'ala. Donc il y a cet événement concernant Bahira, ce moine. Et ici, il n'y a pas d'étonnement à avoir concernant cet événement, puisque tout simplement, ici, les juifs et les chrétiens étaient au courant de l'arrivée du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Lui, c'était un chrétien, ainsi que les juifs. Car il y a de nombreux versets coraniques dans Al-Qur'an, Al-Karim, walillahi alhamd, qui nous informent que Allah subhanahu wa ta'ala avait prévenu les juifs et avait prévenu les chrétiens, c'est-à-dire dans la Torah et dans l'Évangile, de la venue de Muhammad ibn Abdillahi alayhi salatu wassalam. Mais ils ont dénigré pour la plupart d'entre eux cette avenue ici du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Je vous citerai simplement un hadith comme on l'a récité dans la prière, un hadith ou plutôt un verset coranique qui prouve ici ce que je viens de dire. Et il y a de nombreux versets coraniques qui prouvent ceci, hein, que la venue du prophète alayhi salatu wassalam et que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est cité non seulement dans la Torah mais aussi dans Al-Qur'an, mais non seulement dans la Torah mais aussi dans Al-Injil, dans l'Évangile, et aussi bien sûr dans Al-Qur'an Al-Karim. Parmi ces versets coraniques, il y a Surat Al-Fath. D'accord, il y a Surat Al-Fath et plus précisément le verset 29 où Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ay as-sahaba radiyallahu anhum walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى يدين القرآن الكريم سورة الفاتح verset 29 محمد اي le messager d'Allah محمد رسول الله محمد le messager d'Allah والذين معه et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire as-sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, sont durs envers les non-musulmans et miséricordieux entre eux. Ruhama'u baynahum. Ruhama'u baynahum. Tarahum, tu les vois inclinés, ruk'an, sujadan, prosternés. Prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. C'est ça leur but, de s'incliner, de se prosterner pour ici recevoir l'agrément et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça doit être cela notre but aussi. Leur visage, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Telle est leur image dans la Torah. La preuve que ils sont cités dans At-Tawrah. Ils sont cités dans At-Tawrah. C'est pas que le prophète alayhi salatu wassalam, mais As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum aussi. Le comportement des compagnons aussi, ayyuha al-ahbab, dans la Torah, ainsi que dans Al-Injil. Et Allah Azza wa Jal dit, et l'image que l'on donne d'eux, par contre, dans l'évangile, dans l'Injil, quelle est leur image? Et celle d'une semence. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il parle de ces personnages, qui sont le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, ainsi que les meilleurs des créatures sur la surface de la terre, ba'd al-anbiya wa al-rusul. Après les prophètes et les messagers, ay as-sahaba radiyallahu anhum. Et il dit, leur image est celle d'une semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, les croyants, remplis de dépit les non-musulmans. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, simplement de passage, je voulais rappeler simplement que ici, dans la Torah et l'Évangile, la venue du prophète alayhi salatu wassalam, ici, y était. Que ce soit dans la Torah et dans l'Évangile. Donc c'est pas quelque chose ici de nouveau pour eux, ou pour plutôt ce moine qui était Bahira. Ce moine ou ce prêtre qui était Bahira. Ce n'était pas quelque chose, c'est pas un grand étonnement, car lui il l'attendait, car lui il l'avait lu, et lui il l'a reconnu, la venue de ce dernier messager, de ce dernier prophète qui est Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salati wa aska salam. Parmi ayyuha al-ahbab, parmi ici les événements qui se sont passés à la fin de la jeunesse du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, à la fin de sa jeunesse. Parmi les événements importants ici et ici qui sont relatés de sources authentiques, toujours, car on reste dans l'authentique bien sûr de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, il y a ce qu'on appelle la rénovation de la Kaaba, la rénovation de la Kaaba. Donc on sait que les Quraysh, donc ils faisaient tawaf comme on l'a dit et on l'a répété ici autour de la Kaaba, et ils faisaient ce pèlerinage, mais pas comme il se doit, pas selon les rites de Ibrahim alayhi salam. Mais ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala à travers leurs paroles, à travers leurs talbiyah. Na'am. Mais ils tournaient autour de la Kaaba et ils donnaient de l'importance à la Kaaba. Et un jour est venu où ils se sont réunis en prenant cette décision de rénover la Kaaba. Baytul Haram. Donc, ils se sont dit, on va rénover la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée et il choisit. La meilleure des terres sur la surface de la terre, c'est Mecca. C'est la Mecque. C'est la Mecque où il y a la Kaaba. Baytullahi al-Haram. C'est la maison d'Allah, ayyu al-ikhwatul kiram. Baytullahi al-Haram, sacré. C'est la terre sacrée. C'est la maison sacrée. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous pensez qu'il va laisser n'importe qui, ne serait-ce que, pas construire, mais rénover, cette maison qui est la Kaaba abadan. Cette maison sacrée qui est dans la terre la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le messager d'Allah alayhi salatu wa salam l'a mentionné dans un hadith authentique, elle a été rénovée par la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam, alors que la révélation n'était pas encore venue. Il n'y avait pas eu encore le wahi. Le prophète alayhi salam n'a pas encore reçu la révélation. Lakin sunnatullahi tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il décide ce qu'il veut. Hikmatullahi jalla sha'nuh. Ça c'est parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait que le prophète alayhi salatu wa salam ait été choisi parmi les Quraysh eux-mêmes aussi pour ici terminer. Je dis parmi les Quraysh, il a été choisi pour terminer. Pourquoi? Vous allez voir qui a été la cause ici d'éviter une grande dispute entre les Arabes pour pouvoir, ou plutôt à propos de quoi? À propos de la pierre noire. C'est qui a évité ce grand conflit? Mohammed alayhi salatu wassalam, notre prophète ayyuha al-ahbab. Et le prophète a participé, na'am, il y a des hadiths authentiques, on va voir. Ces hadiths authentiques qui prouvent que le prophète lui-même a participé à la rénovation. Car une maison d'Allah, ayyuha al-ahbab, une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir y participer. Ça on parle de Al-Ka'ba. Mais n'importe quelle maison d'Allah, ayyuha al-ikhwatul kiram, n'importe quelle mosquée, ayyuha al-ahbab, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir participer à l'élaboration de projets et à la construction de projets. Ce n'est pas pour rien que le prophète alayhi salatu wassalam mentionne ici cette sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est qu'Allah azza wa jalla a choisi le prophète et a fait que le prophète participe avant qu'il ait eu la révélation à la rénovation de la Kaaba. Pour montrer et nous rappeler que c'est un honneur de participer à quoi? À l'élaboration de projets consistant à quoi? La construction des mosquées. C'est un honneur, ayyuha al-ahbab, de quoi? De construire une mosquée, de prendre son temps, de prendre son énergie, de prendre de sa santé pour travailler et pour construire les mosquées. C'est quoi? C'est les maisons d'Allah, ayyuha al-ikhwatul kiram. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hikmatullahi azza wa jal. Le prophète lui-même portait les briques. Naam, le prophète lui-même portait les briques. Comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Amr ibn Dinar, radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu dire, lors de la reconstruction de la Kaaba, lors de la reconstruction de la Kaaba, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et Al-Abbas transportaient les pierres. Ils transportaient les pierres. On a entendu? Ils transportaient les pierres. Ils ne donnaient pas de l'argent simplement. Ils ne restaient pas de loin. Ils ne donnaient pas des ordres de loin. Ils transportaient des pierres, la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Khalilur Rahman. Celui qui a vu Al-Jannah, celui qui a vu Al-Nar. Subhanallah, ajib, il transportait des pierres. Et nous maintenant, quelquefois, on a cette fainéantise, cette paresse, je le répète encore une fois, de mettre ici, ou plutôt de participer, je ne parle pas avec l'argent, mais je parle avec notre corps, ayyuha al-ikhwatul kiram, car comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit dans un hadith al-sahih, ici tu devras, ou tu ne quitteras pas, avec une traduction approchée, l'esplanade des comptes, Yawm al-Qiyamah, avant de rendre des comptes sur quatre choses. Et parmi ces quatre choses, c'est quoi? Ton corps. Qu'est-ce que tu en as fait? Naam ou pas? Ton corps, qu'est-ce que tu en as fait? Ce n'est pas pour rien, ayyuha al-ahbab. Ton corps, tu l'as dépensé à construire pour dunya, à travailler pour dunya, pour gagner de l'argent, pour construire des palais. Taban, il n'y a aucun problème. C'est pas grave. Il n'y a aucun problème. À condition que, ça ne soit pas une cause de ton éloignement de la religion ou de ton insouciance quant à la religion et aux préceptes divins, et que ça ne soit pas une cause que tu dépenses toute ton énergie pour les causes de la vie mondaine et que tu délaisses ici une part de ton énergie pour faire profiter ici cette religion qui est la religion de l'islam. Na'am ayyul ahbab, on a besoin d'hommes qui participent dans la construction des mosquées. On a besoin d'hommes forts. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit dans Sahih Muslim, al-mu'minu al-qawi khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est préféré, plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et dans les deux, il y a un bien, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et on ne dit pas que c'est que la forme physique. Na'am, la force, c'est la force mentale, la force de l'iman, mais la force physique aussi, ayyuha al-ahbab. On a besoin d'hommes courageux et d'hommes forts. Voilà le prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Al-Bukhari Muslim, avec Al-Abbas, il portait des pierres, je poursuis. Et ici, un moment, pendant qu'il transportait les pierres, Al-Abbas dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, oh Mohammed, il n'avait pas eu encore la révélation, mets ton pagne sur ton épaule pour adoucir le poids de la pierre. Et à ce moment-là, il mit, c'était avant sa mission ceci, mais il tomba immédiatement à terre. Le prophète, il a pris son pagne, donc son vêtement, il a mis ici sur son épaule pour adoucir ici la pression, ou plutôt le poids de la pierre. Et ensuite, il tomba immédiatement à terre, son regard tourné vers le ciel, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et il cria, mon pagne, c'est-à-dire son vêtement. Et il s'en enveloppa, depuis sa nudité ne fut plus jamais découverte. Dieu à quoi il s'est écrié le prophète alayhi salatu wa sallam? Ça, al-haya, sa pudeur. Avant la révélation, regardez les qualités qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam avant sa révélation. Il avait cette pudeur là et il s'est écrié mon pagne. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est rapporté? Depuis, sa nudité ne fut plus jamais découverte. Il a pris leçon. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. rapporté par Ahmed, avec une chaîne de transmission bonne. Et il est raconté que les tribus se disputaient à qui reviendrait la primauté et le prestige des travaux. Donc ils se sont disputés entre eux. De reconstruction. Si bien que la rivalité faillit dégénérer. En guerre, sur les lieux sacrés. Puis le désaccord porta sur la déposition de la pierre noire à sa place. Donc ils se sont disputés. Ici, on est toujours dans la rénovation de la construction de la rénovation de la Kaaba. Ils se sont disputés quant à quelle tribu allait déposer la pierre noire. La pierre noire. Ils se sont disputés. À ce moment-là, Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumi leur proposa l'arbitrage du premier venu ici. La disposition divine est destina que le premier venu était Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah, il crée et il choisit. Regardez, Allah a fait que ce soit le prophète alayhi salatu wassalam qui participa ici et qui soit la cause de la réconciliation quant à la rénovation de la Kaaba. Et ensuite, à ce moment-là, ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam arriver avant la révélation. Donc, ils se sont écriés, voilà le digne de confiance. Muhammad al-Amin. Le digne de confiance. Avant la révélation, ayyuhal ahbab. Il était déjà réputé pour être digne de confiance. Ils avaient confiance en lui. Voici arrivé le digne de confiance. Et ensuite, à ce moment-là, tous acclamèrent et tous acceptèrent son arbitrage. Tous acceptèrent son arbitrage. Car on sait très bien qu'elle ada, comme il est répandu dans les habitudes, que quand il y a une dispute, il faut toujours un arbitre. Et ce n'est pas n'importe quel arbitre. Un arbitre, quand on fait intervenir une personne, il faut que ce soit une personne qui est al-hikma et qui est al-ilm. Naam, il faut que ce soit une personne qui est al-hikma, la sagesse. On va voir par la suite la sagesse. D'accord ? Retenez bien la sagesse, on va en revenir à la sagesse. La sagesse, la science, il faut qu'il ait de la science pour pas parler poussé par ses passions. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدْ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Donc, quelqu'un qui parle avec Al-Qur'an et Al-Sunna, Allah dit, et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune science, certes, la vue, ou plutôt l'ouïe, وَالْبَصَرَ, et la vue, ainsi que Al-Fu'ad, le cœur, sur tout cela, tu seras interrogé. Donc ici, c'est une responsabilité que le fait d'arbitrer entre des personnes ou de parler ici avec Al-Qur'an et avec la Sunna. Donc il faut avoir une certaine science, Al-Hikmah, et aussi il faut connaître avec qui va trouver. Il faut connaître quoi aussi? Il faut connaître l'état des personnes. Il faut connaître l'état des personnes, la réalité des choses. Il faut savoir quel type de personne tu as en face de toi. Parce que si tu as une Hikmah, comme on va le voir par la suite, c'est le fait d'avoir le comportement adéquat, le bon comportement au moment qu'il faut envers la personne qu'il faut. Donc ici, il te doit et il t'est demandé de connaître les personnes que tu as en face de toi. Il faut que tu saches. Quelqu'un peut-être il va être plus dur, l'autre plus calme, l'autre yani, chacun a ses traits de caractère. Donc toi qui viens comme arbitre, tu dois connaître ici les différents comportements. Tu dois connaître les différents comportements, al-hikma wal ilm, et connaître aussi là l'état de chaque personne que tu as en face de toi. Ou au moins avoir ici des petits renseignements concernant leurs traits de caractère et autres. D'accord? C'est pour ça que même dans les mosquées, quand yani, certains interrogent des savants en disant est-ce qu'on peut mettre plusieurs imams dans une mosquée? Ici, ils déconseillent fortement concernant ici les prêches, les sermons. Pourquoi? Parce que l'imam ici qui est dans la ville et qui vit dans la ville, ici, il connaît mieux la situation des personnes qu'une personne qui va venir de l'extérieur. Et le but des sermons du vendredi, c'est d'exhorter les gens et aussi de parler des problèmes qui interviennent dans la communauté. Donc c'est important d'avoir un imam qui connaît ici l'état des gens dans la ville où il vit et qui suit et qui a un suivi quant à l'exhortation qu'il donne à ces gens-là. Naam. On en revient. Donc ils ont pris comme arbitre la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Donc, pour ici déposer la pierre noire. Ensuite, il proposa à chacun des chefs de tribu, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, il leur proposa à chacun des chefs de tribu, en conflit, de saisir l'étoffe par un pan. Chacun, yani, il a posé la pierre dans une sorte d'étoffe ou de drap, et il a dit à chaque tribu, chaque chef plutôt de tribu, de prendre une partie de cette étoffe-là, pour que tout le monde participe. Tout le monde est content. Naam, hikmah, la hikmah du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ensuite, et de l'emporter ensemble à la Kaaba. Vous me suivez? Ça c'est l'avis du prophète alayhi salatu wassalam. C'est alors qu'il prit soin de la déposer, qui? Lui-même. Le résultat c'est qui l'a posé? Le prophète alayhi salatu wasalam. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça nous rappelle encore que c'est un honneur. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit les personnes qui participent à l'élaboration et à la construction des mosquées. Wallahi, ça on parle de la Mecque. Ça on parle de la Kaaba. Mais tout autre lieu saint, ou toute autre mosquée, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est la même chose. Surtout, une mosquée qui a été bâtie sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la piété. Et où est répandue la sunna. Et où est éloigné de cet endroit, al-bida', les innovations. Donc cet endroit va être plus aimé auprès d'Allah, taba'an, c'est logique, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'une autre mosquée où la sunna est très minime. On voit très peu, yani, de sunna dans cette mosquée, ou alors, on voit très peu de personnes qui appliquent la sunna. Na'am. Et on voit beaucoup d'innovations. Ce n'est pas pareil. Donc ici, ça, il faut savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit. Et c'est un honneur de construire une mosquée. Et c'est un honneur de participer à l'élaboration d'une construction d'une mosquée wa Rabbil Ka'ba et par le Seigneur de la Mecque. Wallahi, que c'est un honneur et que la personne qui participe à la construction d'une mosquée et qu'il le fait sincèrement, qu'il ne le regrettera jamais et surtout pas dans l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et de nombreuses versions confirment, yani, cette version-là, من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية قصرا في الجنة. Celui qui construit une maison, بيتا, une maison, une mosquée, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, et ici-bas, et en cherchant par cette action que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, c'est ça la condition. Allah azza wa jal lui construit une maison au paradis. C'est un honneur, ayyuha al-ahbab, une maison au paradis. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Donc celui qui a l'opportunité, falyatafaddal. Ala kulli hal, à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il prit le soin de la déposer lui-même, la pierre noire, bien à sa place. C'était une solution sage qui les a tous satisfaits. Elle confirmait l'estime et la confiance dont ils jouissaient à leurs yeux. Et ici, ça c'est un rappel aussi pour ceux qui se dirigent, inshallah ou ta'ala, prochainement à la Mecque. Il faut méditer quand vous faites tawaf. Il faut méditer quand vous faites tawaf. Savoir que quand vous êtes en train de faire tawaf, ayyuha al-ahbab, et je vous renvoie ici, je vous renvoie à tous les hadiths et tous les versets, hadiths et tous les versets coraniques qui parlent de al-jannah, du paradis. Et la différence qui est incomparable, car le prophète alayhi salam, il a dit, il y a au paradis ce que œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu, ce que esprit humain n'a jamais imaginé. Ça c'est le jannah. Regardez ici, il y a l'incomparable entre le paradis et la terre d'ici-bas. Ça n'a rien à voir. Et avec ça, pendant que tu fais tawaf, sache qu'il y a une pierre à côté de toi. Peut-être même tu auras l'opportunité d'embrasser une pierre qui vient tout droit du paradis. Faut méditer à ça quand on fait tawaf. C'est pas une pierre qui a été, c'est une pierre du paradis. Une pierre qui était fil jannah, au paradis, ayyuha al-ahbab. Allah Azza wa Jalla t'a donné l'opportunité de t'approcher d'une pierre du paradis. Ça c'est un honneur, ayyuha al-ikhwatul kiram, mais ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que beaucoup de salafs, juste le fait qu'ils faisaient tawaf, à chaque fois qu'ils passaient près de la pierre noire, ils pleuraient, ils se mettaient à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils méditaient et ils savaient qu'ils étaient sur la surface de la terre qui ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils sont à quelques centimètres d'une pierre qui était au paradis. Subhanallah al-Ali al-Azim. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a de nombreux hadiths concernant la pierre noire, je cite simplement un rapidement, rapporté par At-Tirmidhi et Ahmed et Ibn Abbas, selon Ibn Abbas et d'autres avec une chaîne de transmission authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la pierre noire est descendue du paradis. Elle est descendue d'où? Du paradis. Donc elle était fait le jannah au paradis. Plus blanche que le lait. Mais ce sont les péchés des humains qui l'ont noirci. Une petite information rapidement pour, concernant la pierre noire. Mais en dépit des efforts déployés par Quraysh, dans cette reconstruction, elle n'a pu restaurer l'ensemble de ce que Ibrahim avait construit. Ils n'ont pas pu, yani, bien qu'ils ont pris cette initiative de rénover, ils n'ont pas, yani, rénové ou reconstruit comme il fallait toute la Kaaba. C'est pour ça qu'on voit ici cet arc de cercle à la Kaaba. Il faut savoir que quand tu rentres à l'intérieur, c'est comme si tu étais à l'intérieur de la Kaaba. Donc ça fait partie de la Kaaba. Donc ils n'ont pas terminé ici cette rénovation, cette construction. Et ici, il est rapporté dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, selon Aisha radiyallahu anha wardaha, qui dit, le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit, ne trouves-tu pas, ya Aisha, que ton peuple a reconstruit la Kaaba sans l'étendre aux assises d'Ibrahim? D'accord ? Et je lui dis, messager d'Allah, si tu l'étendais à ses assises, c'est-à-dire si tu continuais cette reconstruction. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si la croyance de ton peuple n'était pas fraîche ou de fraîche date, je le ferais. Si la croyance de ton peuple n'était pas de fraîche date, s'il n'était pas des nouveaux dans la religion, je le ferais. Ibn Umar radiyallahu anhu a dit, wa anhuma, précisa, si Aïcha a rapporté ces paroles du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, cela explique pourquoi il n'embrassait pas les deux angles qui se trouvent à proximité du Hijr. C'est que la Kaaba n'avait pas été étendue aux assises d'Ibrahim. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça, on revient encore à quoi? La hikmah du prophète alayhi salatu wassalam. Vous voyez pourquoi, ici Ibn al-Qayyim, quand on va le voir par la suite, il explique la hikmah par ces termes ici qui est d'avoir le bon comportement au moment qu'il faut envers la bonne personne. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a regardé quoi? On a dit al-hikmah, d'accord? Et on a dit qu'il fallait al-ilm, et il fallait connaître l'état des personnes. Et la preuve, c'est ce hadith-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, si ton peuple n'était pas de fraîche date. Donc il a regardé la situation des personnes qui étaient autour de lui. Donc tu adaptes ta da'wah. Tu adaptes ici la transmission de ce message divin. Tu adaptes ton appel à la religion selon l'état des personnes qui sont en face de toi. D'accord? Tu t'adaptes aux situations, ya Abdallah. Et tu n'agis pas avec n'importe qui de la même façon. Et c'est pour ça que on appelle ceci al-hikmah. Rapidement ici, pour parler de l'hikmah, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de, écoutez bien, ce type de sagesse que je viens de parler. Ce type de sagesse. Parce qu'il y a deux types de sagesse. Vous allez voir. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, dans surat Al-Baqarah, verset 269. Il dit, il donne la sagesse à qui? À qui il veut. Il donne la sagesse à qui? À qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne la sagesse à qui il veut. Celui à qui al-hikmah, la sagesse a été donnée, bénéficie d'un grand bien. Bénéficie d'un grand bien. Regardez. Ça, c'est pour montrer la valeur de al-hikmah et de celui qui a eu l'opportunité d'avoir la sagesse al-hikmah. Allah dit, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse a été donnée bénéficie d'un grand bien. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Ici, Ibn al-Qayyim al-Jawziya, dans Madarij al-Salikin, qui est dans les sentiers des itinérants, il rapporte, je cite certains propos concernant al-hikmah. Pour ce qui est de la sagesse liée au livre, c'est là, c'est la sunna. Allah Azza wa Jal lui enseignera le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Allah Azza wa Jal dit ça dans Surah 3 verset 48. Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour ce qui est de la sagesse liée au livre, c'est-à-dire au Coran. Quand on parle de sagesse liée au Coran, cette sagesse-là désigne la sunna. Comme Allah dit dans le Coran, Allah lui enseignera le livre, la sagesse, c'est-à-dire la sunna. C'est lié au livre. Vous suivez? Le livre, la sagesse, c'est-à-dire Al-Qur'an et la sunna. Pour montrer l'importance à la sunna. Il parle du Coran, il parle de Torah, il parle de l'Injil, mais quand il parle du Coran, il parle du Coran et de la sunna. L'importance de la sunna. La preuve qu'on peut pas délaisser ici, la sunna. Allah dit, Allah lui enseignera le livre, la sagesse. La sagesse, elle est liée au livre, donc c'est la sunna. La sagesse, c'est-à-dire la sunna, la Torah et l'évangile. Et d'ailleurs, donc là c'est toujours Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala qui dit, d'ailleurs, la meilleure définition qui a été donnée sur la sagesse est celle de Mujahid et de Malik. C'est la connaissance de la vérité. Vous suivez bien. Mujahid et Malik ont dit ça, concernant al-hikmah. Pas lié au livre. On est d'accord. Ça c'est le deuxième type de hikmah. C'est la connaissance afouane de la vérité. Le fait d'agir en conséquence. Je répète trois fois. Pourquoi? Le prophète alayhi sallam, il avait l'habitude de répéter trois fois. Masha'Allah. Donc c'est la connaissance de la vérité. Le fait que tu connais le haq. Faut connaître le haq d'abord. Tu vas pas suivre le batal. Faut connaître le haq. C'est la connaissance de la vérité. Ensuite, il dit le fait d'agir en conséquence. Et de toucher au but dans les actes et les paroles. Tu connais la vérité. Tu agis en conséquence. Et tu touches le but à travers les actes et les paroles. Naam. Et ici il dit, mais ceci n'est possible que grâce à la compréhension du Coran, de la Sunna, des lois de l'islam et des réalités de la foi. Et Ibn al-Qayyim dit en résumé aussi, ça c'est la parole d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala concernant le deuxième type de sagesse, et il dit la sagesse est donc en résumé, et ça c'est la parole qu'il faut retenir d'Ibn al-Qayyim inshallah ta'ala, faire ce qu'il faut de la manière qu'il faut et au moment où il faut, faire ce qu'il faut de la manière qu'il faut et au moment où il faut. Et ici, Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin parle longuement de la sagesse. Je vous renvoie ici à ce livre qui est, masha'Allah, qui est très bien, de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ce grand érudit et ce grand savant. Voilà que le messager d'Allah est alayhi salatu wassalam. Ici, approche les 40 ans. D'accord? Certains appellent cet âge-là l'âge de la sagesse. On reste dans le hikmah. C'est ça le but de la biographie du prophète. C'est pas simplement de lire la biographie du prophète. Allez prendre un livre et allez lire la biographie du prophète. Bien que ça soit difficile de trouver beaucoup de livres où il y a des récits authentiques ou que authentiques. Lakin, le but c'est de prendre les morales et de comprendre, ayol ahbab. On reste dans la sagesse, dans la vie du prophète, on ne voit que sagesse émaner de ce personnage qui est le meilleur des personnages, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Ils disent que certains que 40 ans c'est l'âge de la sagesse. Ça c'est un message à ceux qui disent, moi j'ai 40 ans, je suis en retraite. Masha'Allah, j'ai fait de da'wah dans ma vie, j'ai déjà donné, j'ai construit des mosquées, j'ai donné de l'argent, j'ai fait fisabilah, j'ai 40 ans, et déjà je suis fatigué, ouais, alhamdoulilah. Maintenant place aux jeunes. Prophète 40 ans, Ad il a dit bismillah. 40 ans, Ad la révélation, et Wallahi, comme le disent les savants, à partir du jour où il a eu la révélation, il n'a plus goûté au goût du repos complet. Jusqu'à sa mort. Le prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'à sa mort, comme on va le voir, ayoua, ikhwatul kiram, au fur et à mesure de sa biographie sallallahu alayhi wa sallam. Et il aimait de plus en plus quoi, pendant qu'il approchait ici de ses 40 ans, l'âge où il a eu la révélation, il aimait de plus en plus al-khalwatu binafsi, c'est-à-dire le fait de s'isoler pour la méditation, pour la réflexion. Il s'isolait, le prophète alayhi sallam, et il est reconnu chez tous les savants d'ailleurs, et comme on va le voir dans des hadiths authentiques que le prophète s'isoler dans une montagne ou au sommet d'une montagne qui est Jabal An-Nur, donc la montagne de la lumière, et cette montagne là qui est à peu près à 4 km de la Mecque, elle est à peu près à 4 km de la Mecque, et le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de monter, d'aller se recueillir tout seul et méditer. Donc ici il s'éloignait de cette association qui était répandue à la Mecque, vous suivez bien, il s'éloignait de toute cette association, de toutes ces impuretés qui concernent, et quand je dis impureté, je parle de ash-shirk, wal-iyadu billah. Donc ici, dans cette grotte qui est appelée Ghar Hira, d'accord. Certaines personnes, quand ils se rendent à la Mecque, ils vont dans cette montagne-là, et ils montent jusqu'en haut, ils rentrent dans un endroit qui est peut-être, je dis bien peut-être, Ghar Hira. Ils savent pas, de sources certaines, est-ce que c'est vraiment cet endroit, yani exact, où le prophète alayhi sallam rentrait. À la koulihal, ils montent dedans, ils restent, il y en a qui prennent des pierres, il y en a qui embrassent des pierres, il y en a qui se prosternent devant des pierres, il y en a qui prennent des pierres avec eux et qui les ramènent chez eux, etc. Tout ceci n'est que pure innovation, bien sûr. Et ça, tu perds ton temps. Au lieu d'aller prendre la récompense de rak'atan à la Mecque, et tu as la récompense de combien de prières? 100 000 prières, tu es en train de perdre ton temps à Jabal Nour. Il n'y a rien du tout là-bas. Il n'y a rien du tout. Bien plus que cela, ça, c'est une des causes que beaucoup de personnes tombent dans ash-shirk wal-iyadu billah. Amma, celui qui veut aller juste pour avoir une petite idée concernant ou la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, le recueillement, la réflexion du prophète alayhi salatu wassalam, parce que c'est intéressant quand même de le voir, faut dire ce qui est, de loin, pas de monter pour cautionner, non, parce que des gens vont vous voir monter, surtout si vous avez la sunna, la barbe, etc. Faut dire donc c'est autorisé, non, mais de voir un peu de loin ou jusqu'où le prophète montait ici à peu près, voir ici la grandeur de cette montagne. Et tout en sachant que le prophète alayhi salam de façon générale se recueillait la nuit, et le prophète a eu la révélation ici dans cette montagne et plus précisément dans cette grotte là, la haraj ala kulli hal. Lakin, je déconseille ici fortement de se rendre ou d'escalader cette montagne, etc. Ala kulli hal, il montait dans cette montagne pendant les dernières années, ou plutôt les années qui s'approchaient de la révélation, de l'année où il a eu al-wahi. Et concernant al-khalwa yu al-ikhwatul karam, est-ce que c'est demandé en islam? Est-ce que c'est déconseillé? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est mustahab, makro, haram, halal? C'est quoi son hukm concernant al-khalwa? Il y a deux sortes de khalwa. Je parle de al-khalwatu binafsika, Ça, je parle de le fait de s'isoler avec toi-même. Avec, je parle pas de l'isoler avec une femme ou autre, parce qu'on appelle, on entend par khalwa de façon générale en islam, on dit khalwa, c'est le fait d'être en intimité avec une personne qui nous est étrangère. Non, je parle de, ici, le fait de s'isoler avec toi-même. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Il y a deux sortes de khalwa. Ici, il y a la première qui est assez complète. Et il y a la deuxième qui est, yani, demander à tous et à toutes. On va voir. La première, c'est quel type de khalwa? Rapporté ici par l'imam Muslim. Dans son sahih, un hadith selon Abu Sa'id al-Khudri, selon lequel un homme s'était adressé au prophète alayhi salatu wasalam et lui avait dit: qui est le meilleur des hommes, ya Rasulallah? C'est qui le meilleur des hommes? Rapporté par Muslim. Et un homme qui se bat dans le chemin d'Allah par ses biens et sa personne. Le prophète, il a dit un homme qui se bat dans le chemin d'Allah par ses biens et sa personne. Et ensuite, il lui dit, et ensuite, après lui, c'est qui? Un croyant, qui se réfugie au fond d'un col pour adorer son maître et s'abstenir de faire du mal. Donc, tu t'éloignes des gens pour t'abstenir de faire du mal. Dans un autre hadith authentique, toujours selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda, le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, a dit, il s'en faut de peu, écoutez bien, il s'en faut de peu pour que le meilleur capital pour un homme consiste dans un troupeau, c'est-à-dire la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est d'investir dans un troupeau de moutons. Dans un troupeau de moutons qu'il ferait paître autour des montagnes et des terres arrosées par la pluie, afin de mettre sa foi à l'abri des troubles. Al-fitan. Donc, que t'ailles t'isoler, investir dans un troupeau de moutons pour t'éloigner des troubles des fitan. Naam. Mais maintenant, là on voit que le fait de s'éloigner des troubles de al-fitan, c'est demandé en islam ou pas d'après ces hadiths? C'est demandé. Pour préserver ta foi. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Avant de penser aux gens, pense à toi. Et ensuite à ta famille. Préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu. Naam. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, selon l'imam al-Tirmidhi et Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique, ont rapporté que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, le croyant qui fréquente les gens et supporte les nuisances, leurs nuisances, est meilleur et plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui ne fréquente pas les gens et n'endure pas leur nuisance. Déclaré authentique par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans Sahih Al-Tirmidhi. Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khayru wa ahabbu ila Allah min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. On est d'accord. Comment on a lié entre ces deux hadiths alors? Donc d'un côté, on voit que le prophète alayhi salam enjoint d'aller se réfugier ici pour préserver sa foi quand on voit que al-fitan se répand. Aujourd'hui, il n'y a pas al-fitan aujourd'hui. Allahu musta'an. Mais à côté, on voit que celui qui se mélange aux gens et qui patiente et qui endure est meilleur et préféré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas. Comme des gens ils font au jour d'aujourd'hui. Je vais pas à cette mosquée, il y a une personne que j'aime pas. Ça, c'est même pas al-fitan, c'est juste son nef. Alors imaginez-vous. Alors que le prophète alayhi salam dit que dans tous les cas, même s'il y a des nuisances, et toi, tu peux préserver ta foi, tu es meilleur et plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit dans Fathul Bari, l'information indique la préférence de l'isolement pour celui qui craint pour sa foi. Concernant le premier hadith. Celui qui craint pour sa foi, c'est mieux pour toi d'aller t'isoler. T'as peur pour ta foi. Tu sais que si tu vas te mélanger avec certaines personnes, t'as peur de délaisser la religion. Pour toi, c'est mieux d'aller t'isoler. Concernant les premiers hadiths qu'on a cités. Vous suivez? Ensuite, concernant le deuxième hadith, où le prophète alayhi salatu wasalam, il montre que celui qui se mélange, alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum, khayru wa ahabbu ila Allah min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Concernant le deuxième personne, la deuxième type de personne, celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Dans Subul Salam, l'imam As-San'ani, rahimahullah ta'ala, grand savant, dit, ceci implique la supériorité de celui qui fréquente les gens de manière à pouvoir leur recommander le bien, leur interdire le mal et les traiter bien. En effet, il est supérieur à celui qui s'isole et ne supporte pas la fréquentation. Ça veut dire que, en résumé, si toi, tu vois que tu n'arrives pas à préserver ta foi, si tu te mélanges avec des gens qui sont pervers, tordus, égarés, préserve ta foi, éloigne-toi d'eux. On est d'accord. Si tu vois que tu peux préserver ta foi, c'est mieux et tu es meilleur que celui qui va s'isoler même s'il préserve sa foi. On est d'accord? Khayru wa ahabbu ila Allah min alladhi la yukhalitu an-nas. Tu es meilleur si tu arrives à te mélanger avec eux et que tu arrives à quoi? À faire ce qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Naam, ordonner ici le convenable et interdire le blâmable. toi tu es meilleur parce que tu te mélanges à eux, tu patientes et tu es bénéfique pour eux. Tu es bénéfique pour eux. Walillahil hamd. Concernant ça, c'est, on va dire, l'isolation assez complète. C'est pour ça que je vous dis assez complète. C'est-à-dire que tu t'isoles, tu t'éloignes carrément d'un groupe de personnes. Amma ce qui est demandé à tout le monde. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, on n'a pas trop, yani, ce type d'isolation à faire. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il ne s'est pas isolé? Parce que, al-fitan, s'était répandu comme ash-shirku billah. Donc là, il s'est isolé carrément dans une montagne. Amma nous, au jour d'aujourd'hui, walillahi alhamd. Comment on va faire ce type d'isolement alors que, à côté de chaque maison dans laquelle on habite, walillahi alhamd, il y a une mosquée où on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a des croyants, où il y a des croyants, walillahi alhamd, c'est un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore ici, l'importance des mosquées. L'importance des mosquées. Car si on n'avait pas ces mosquées, où on allait les retrouver, yo al-ahbab? On voit très bien que maintenant, aujourd'hui, quand on sort de la mosquée, Allah al-musta'an, il y a que des fitans. Lakin, ça, voilà pourquoi le prophète a motivé à construire des mosquées. Voilà pourquoi le prophète a motivé à construire des mosquées. Et dans le hadith al-sahih, le meilleur endroit ou l'endroit le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la surface de la terre, c'est al-masjid. C'est le masajid, yo al-ahbab. Et l'endroit le plus détesté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Al-aswaq. C'est les marchés. Hadithum sahih. D'accord? Donc on voit, alhamdoulilah, ça c'est un moyen pour se réunir. Walillah alhamd. Amma, le deuxième type d'isolation, khalwa, qui est demandé à tous et à toutes, c'est quoi? C'est le fait de prendre chaque jour, yani, un petit moment entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Soit chez toi, soit dans une pièce noire, soit dans un coin de la mosquée, ou soit, c'est pas besoin d'aller dans une grotte. T'as pas besoin d'aller dans une grotte, et Abdallah. Tu vas chez toi dans une pièce la nuit pendant que tout le monde dort, et yani, tu t'isoles. Pourquoi? Pour méditer. Pour ici avoir un peu de réflexion. At-tadabbur, la méditation à travers le Coran et le Karim, à travers le Coran, à travers ce que tu as fait, ce que tu as dit aux gens, ce que tu as fait à toi-même, ce que tu as préparé pour le delà. Tu te poses des questions. Amma maintenant au jour d'aujourd'hui, ayyou al-ahbab, avec comment on voit, yani, comment ici la vie tourne entre guillemets à 100 à l'heure. Comment tu veux avoir le temps dans ta journée de te poser et de réfléchir, de méditer, si tu prends pas un petit moment? À peine tu sors de chez toi, et pour, surtout pour ceux qui travaillent, ou plutôt dans les autres villes, hein, dans certaines villes comme Paris, vous voyez, autres, hein, jusqu'en le fait on se dirige, nous, dans cette ville qui est Paris, on est un peu perturbé. Pourquoi? Parce qu'ici, on est un peu plus apaisé à vrai. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Alors, imaginons, ayyou al-ikhwatul kiram, que la personne, à partir du moment où il sort chez lui du matin, il rentre chez lui que le soir à 9h du soir parce qu'il travaille toute la journée. Ensuite, il rentre, il est fatigué, il fait sa douche, il mange, il dort, et ensuite le matin, quand tu vas avoir le temps de méditer sur la création des cieux et de la terre, sur les bienfaits qu'Allah t'a donné, sur qu'est-ce que j'ai devancé, ou qu'est-ce que j'ai préparé pour Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Il faut un petit moment. Tu réserves un petit moment, soit dans la nuit, soit dans la journée. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. On n'est pas là pour dire on reste pendant 10 heures, on parle à personne. Abadan, on n'est pas des soufis. Non. Là, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, un petit programme. Jumu'ah, le vendredi, avant de venir le khutbah de Jumu'ah, par exemple, tu laisses 20 minutes, un quart d'heure, et yani, tu t'isoles et tu penses. Qu'est-ce que tu as préparé pour Allah? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu parles à toi-même? Comment faisaient salaf? Ils parlaient à eux-mêmes. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es prêt pour al-maut? Si malik al-maut il vient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Wahakada. Ça, c'est la petite isolation que tout le monde, croyant et croyante, se doit ici de réserver chaque jour. Et vous allez voir que ça, c'est un excellent remède pour guérir al-quloub, pour guérir les cœurs. Ala kulli hal, Hassan al-Basri rapidement disait, méditez pendant une heure. Ça, c'est Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il disait? Méditez pendant une heure est meilleur que prier une nuit durant sans cœur. C'est-à-dire que tu médites pendant une heure. C'est mieux pour toi que tu fais toute la nuit qiyam al-layl, walakin ton cœur il est pas accroché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ton esprit il est ailleurs. Yani ton cœur il est ailleurs. Ça c'est meilleur pour toi que de t'asseoir et de pas prier. Juste tu médites une heure. D'accord? Ici, bien plus que cela, Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, ce grand ascète qui était à l'époque de Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait, la pensée, écoutez bien, regardez les paroles des ascètes, Az-Zuhad, la pensée est un miroir. La pensée est un miroir. Donc quand tu penses, c'est un miroir. Regardez, subhanallah. La pensée est un miroir qui te renvoie tes bonnes et mauvaises actions. Radiyallahu anhu. Juste cette parole, elle vaut de l'or. La pensée est un miroir qui te renvoie tes bonnes et mauvaises actions. Quand tu t'assois et tu penses, c'est un miroir. Ça y est, là tu vois tes bonnes et tes mauvaises actions. Qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah? Est-ce que tu es prêt pour répondre à Munkar et Nakir dans la tombe? Wahakada. La pensée est un miroir qui te renvoie tes bonnes et tes mauvaises actions. Et voilà que le prophète alayhi salatu wasalam a eu à peu près 40 ans. 40 ans pendant, écoutez bien, le prophète alayhi salatu wasalam, alors qu'il était, il s'isolait. Il était dans ce qu'on appelle al-khalwa binafsi. Il avait 40 ans. Il était dans Ghar Hira, comme on a dit. La grotte de Hira. Pendant le meilleur des mois, la meilleure des paroles est descendue sur la meilleure des créatures. Muhammad ibn Abdullah, alayhi salatu wasalam. Pendant le mois du Ramadan, Naam, la meilleure des paroles, Al-Qur'an, Al-Karim, est descendue sur la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdullah, alayhi salatu wasalam. Allah, il crée et il choisit. Allah, il a créé des mois. Et parmi ces mois, il a choisi le mois du Ramadan. Naam. Il a créé quoi encore, Allah subhanahu wa ta'ala? Des êtres humains? Des djinns? Naam. Il a créé et il a choisi. Il a choisi qui? Il a choisi, les doués de détermination. Et c'est qui? Ulul Azm. C'est qui? Adam alayhi salam? Naam. C'est qui? C'est Nuh. Qui? Moussa. Ibrahim. Isa et Muhammad ibn Abdullah alayhi salam. Les cinq. Nuh. Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhi salatu wasalam. Parmi les cinq, Allah azza wa jalla a choisi Khalilain, Ibrahim et Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam. Et parmi les deux, il a choisi qui? Le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Parmi les mois, il a choisi le mois du Ramadan. Naam. Parmi les nuits, il a choisi Laylatul Qadr, la nuit du destin. Ala kulli hal, on sait que la meilleure des paroles est descendue sur la meilleure des créatures pendant les meilleurs des mois sur le prophète alayhi salatu wasalam. Et le prophète alayhi salatu wasalam, on voit qu'il a eu cette sorte de préparation. Il n'a pas reçu la révélation comme ça. Il a passé des années à méditer. On voit que avant chaque chose, il faut une préparation. Allah subhanahu wa ta'ala a fait aimer, je dis bien, a fait aimer. Pourquoi? Qui a dit ça? Aïcha radiallahu anha wardaha, elle a précisé ça dans le hadith rapporté par al-Bukhari. Comme on va le voir concernant la révélation, il est dans le chapitre de la révélation, al-Wahi, dans Sahih al-Bukhari. Allah a fait aimer au prophète alayhi salatu wasalam, Al-Khalwa, la méditation. Donc, pour préparer le prophète alayhi salatu wasalam à cette dure mission qui est quoi? Transmettre la religion divine. Transmettre la religion divine. Ici, je vais déborder sur les 10 minutes, hein. La haraj, inshallah ta'ala. Ici, on laisse Aïcha radiallahu anha wa ardaha, et on s'arrêtera avec ce récit, nous raconter cette histoire. Cette histoire est racontée ici par Aïcha dans Sahih al-Bukhari, dans le chapitre de la révélation. Qu'est-ce qu'elle dit Aïcha radiallahu anha wa arda? Je lis ce que dit Aïcha. Elle dit, les premières manifestations de la révélation, donc les premières manifestations de la révélation, ça n'a pas été Iqra. Ça n'a pas été cette révélation par Jibril alayhi salam. Abadan. Ça a été quoi? Le premier signe. Les songes véridiques. C'est qui l'a dit? Sahih al-Bukhari, Aïcha radiallahu anha wa arda. Les premières manifestations de la révélation chez Muhammad alayhi salatu wa salam furent des rêves authentiques. Furent des rêves authentiques. Il ne faisait aucun rêve sans en avoir la réalisation. Il rêvait, ça se réalisait. Ça, c'est le premier signe de la prophétie. Et qui a montré la prophétie du prophète alayhi salatu wasalam. Ensuite, on lui fit aimer la solitude. C'est qui lui avait fait aimer la solitude? Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on lui fit aimer la solitude. La preuve que c'est une chose bien la solitude ou pas? Le fait de s'isoler dans certains cas. Naam. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala va pas faire aimer une chose qui est détestée ou mauvaise au prophète alayhi salatu wasalam. Naam. Ensuite, elle dit Aïcha, à cet égard, muni de provisions, il prenait des provisions, il s'isolait dans la grotte de Hira, fuyant l'adoration des idoles et se consacrant à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de regagner les siens, il revenait chez cette femme qui a marqué l'histoire. Cette montagne de science, cette montagne de sagesse, cette montagne qui est Khadija bint Khuwaylid, yarhamukallah, radiyallahu anha wa ardaha. Il est revenu chez Khadija, radiyallahu anha wa ardaha, s'approvisionner et repartait ainsi de suite jusqu'au moment où la vérité apparut à la grotte. Alors que le prophète était dans la grotte, l'ange Jibril alayhi salam se présenta à lui et lui dit, Iqra, lis, je ne sais pas réciter, je ne sais pas lire. Voilà, le prophète alayhi salam dit, je ne sais pas lire, pris de panique. Et le prophète alayhi salatu wasalam raconte que l'ange le saisit et le pressa jusqu'au point de le mener à l'étouffement et lui redit encore après l'avoir lâché, Iqra, lis. Le prophète répéta, mais je ne sais pas lire. Wa ma ana biqari, je ne sais pas lire. et l'ange l'étrangla une deuxième fois au point de le mener à l'étouffement. Et après quoi il le lâcha, il dit « Iqra » et il dit « Je ne sais pas lire ». Et là ensuite l'ange ici lui dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram. » Alors il dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. » Et ensuite le messager d'Allah alayhi salatu wa salam revint tout tremblant chez Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, disant zammilouni ay ghattouni, c'est-à-dire couvrez-moi, enveloppez-moi. Le prophète était pris de panique. Le prophète, il a eu peur ou pas? Prophète, il a peur ou pas? Naam, il a peur, ayou al-ahbab. C'est un être humain. Pour rappeler que le prophète alayhi salatu wa salam est la meilleure des créatures, mais reste un être humain pour pas tomber dans l'ibada. Concernant al-anbiya et wal-rusul, le prophète alayhi salatu wa salam a dit zammilouni. Le prophète a eu peur, ayou al-ikhwatul kiram. Et comment ne pas avoir peur alors qu'il était dans la grotte de Hira? Alors que Jibril alayhi salam est venu, il lui a dit iqra, et lui tout seul dans une grotte pendant la nuit. Taban, il va avoir peur, ayou al-ikhwatul kiram. C'est un être humain. Ensuite, à ce moment-là, Khadija lui répondit, je jure. Et ensuite il dit, Afwan, ce qui revenait, il dit, alors il raconta à Khadija ce qu'il venait de vivre, en ajoutant, j'ai craint pour ma vie. Donc il a eu peur. Il a dit à Khadija, j'ai craint pour ma vie. Ensuite Khadija, bint Khuwaylid lui répondit, écoutez bien. Elle lui a posé sans question, mais où tu étais? Mais qui tu as vu? Mais peut-être que tu as mangé quelque chose, ou t'as peut-être fait suhur, hein, comme certains disent. Et il passe sans question, 200 questions, 1000 questions. Elle a vu son mari rentrer. Elle a connu son mari. Elle a connu le caractère de son mari. Elle a connu ici son mari étant le digne de confiance. Elle a toujours eu confiance en son mari. Elle a vu le comportement exemplaire de son mari. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas concernant le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes doté d'un comportement imminent. Tout de suite sur place, Khadija radiyallahu anha warda, la première à avoir embrassé l'islam, c'est qui? Une femme, c'est Khadija. La première qui a embrassé l'islam, c'est Khadija. Et c'est qui? C'est son épouse. La preuve que quand tu appelles à la religion, tu commences par qui? Par toi. Ensuite, par tes proches, ta famille. Qu'un anfusakum wa ahlikum naran. C'est son épouse. Khadija, qu'est-ce qu'elle a dit? Je jure par celui qui tient l'âme de Khadija, Allah ne t'humiliera jamais. Al-thabat, le raffermissement, la confiance. Al-thiqa, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle jure qu'Allah ne l'humiliera jamais. Parce qu'elle était sûre que le prophète était sur la vérité. Elle n'a pas douté. Elle l'a connu, elle savait que, alhamdoulilah, il était sur la vérité. Elle a eu confiance à 100%. Elle a dit, je jure par Allah qu'Allah azza wa jalla ne t'humiliera jamais. Tu maintiens le lien de parenté. Elle cite les qualités. Elle n'a pas cité les défauts. Regardez, Khadija, elle cite que les qualités qu'il avait le prophète alayhi salatu wassalam. Pour lui remonter le moral, tu maintiens les liens de parenté. Tu maintiens les liens de parenté. Tu composes avec tout le monde. Tu as un bon comportement avec tout le monde. Tu assistes les pauvres, les nécessiteux. Ça, c'est avant le wahi, ayou al-ahbab. Qu'est-ce que ça doit être, comme on va le voir, après la révélation? Elle dit, tu assistes les nécessiteux. Donne l'hospitalité aux autres et aide à faire triompher la vérité. Et elle l'amena chez son cousin, Waraqa ibn Nawfal, radiyallahu anhu wa arda, qui est mort musulman. Et chez certains savants, à la Koulihal, moi je reste dans la théorie que c'est parmi les premiers convertis. Certains disent que c'est la deuxième personne qui s'est convertie à l'islam, Waraqa ibn Nawfal. Ibn Asad ibn Adil al-Uzza, ibn Abd al-Uzza Afwan, celui-ci était chrétien depuis l'époque anté-islamique. On avait dit que la venue du prophète était citée dans quoi? At-Tawrah wal-Injil. Bahira était un moine. Il savait que le prophète alayhi salam était un prophète. Waraqa était un quoi? Était un chrétien. Sachant écrire l'hébreu, il écrivait aisément l'évangile dans cette langue. C'était aussi un grand sage qui avait perdu la vue. Khadija s'adressa en lui en ces termes. Cousin, écoute ce que va te dire ton neveu. Waraqa demanda à Mohammed ce qu'il avait vu. Celui-ci lui décrit ce qui s'était passé dans la grotte, etc. Waraqa reprit, ça c'est Jibril, qui est apparu autrefois à Moussa alayhi salam. Ah, regardez ce que dit Waraqa, alors qu'il était très âgé, ayou al-ahbab, très âgé. Il dit, ah, si seulement j'étais jeune, si seulement j'étais en vie au moment où ton peuple te chassera de la ville. Le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, dit, vont-ils me sortir de la ville? Et qu'est-ce qu'il dit Waraqa? Oui, répondit Waraqa. Il ajouta, aucun homme n'a jamais apporté quelque chose de semblable à ce que tu as apporté ou ce que tu apportes, sans s'exposer à l'inimité et à l'adversité. Mais si ce jour je me trouve en vie, je t'aiderai énergiquement. Mais Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation fut temporairement interrompue. Elle fut temporairement interrompue. Donc Waraqa, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si j'ai encore la force de t'aider, je t'aiderai. Alors qu'il était très vieux, alors qu'il était très âgé. La preuve que on n'a pas à se dire j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans. Donc maintenant je suis en retraite. Ta retraite, c'est quoi ? C'est quand ? Quand tu seras au paradis, inshallah ta'ala. Certains de la famille de Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, ils lui ont dit, certains de ses enfants, Ya Abi, Ya Abati, quand tu vas te reposer ? Toute la journée tu lis, toute la journée tu apprends, toute la journée tu darrasses, toute la journée, tous les jours, tu ne t'arrêtes jamais. Il dit, Wallahi, je me reposerai quand j'aurai mes pieds au paradis, quand je serai au paradis. Voilà l'ulama et l'ikhwatul kiram, les gens de science, les gens qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus tu connais Allah, plus tu vas le craindre, et plus tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu as de chance d'être au paradis. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Man ya'lama ayyuhal ikhwatu al-kiram. Et ceux qui me craignent vraiment, ce sont les savants. Et Khadija, comme je vous ai dit, elle a été la première à embrasser l'islam. Et pour terminer, concernant Waraqa, dans un hadith rapporté par Al-Hakim, avec une chaîne de transmission, bi sanadin sahih, min hadithi Aisha radiyallahu anhu wa ardaha, radiyallahu anhu wa ardaha, qala alayhi salatu wa salam, la tasubbu Waraqa, fa inni ra'aytu fil jannah. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans ce hadith authentique, n'insultez pas Waraqa, car il est, où je l'ai vu, ou plutôt il est, Afwan, il est au paradis. Ça c'est Waraqa, donc la preuve qu'il est mort, musulman, et on s'arrêtera là, inshallah ta'ala. On terminera ici, sur deux points, inshallah ta'ala, la semaine prochaine, concernant les formes de révélation, d'après les hadiths ou les hadiths authentiques. Al-Wahi, comment il a reçu le prophète alayhi salam, les différentes formes de révélation, inshallah ta'ala. Et ensuite, on racontera comment la révélation s'est arrêtée. Après que le prophète alayhi salam a reçu Iqra, il est revenu chez lui avec Iqra, Raja'a. Yani, ma'a Iqra, il est revenu avec Iqra. Ensuite, après cela, la révélation s'est arrêtée pendant une certaine période. Pourquoi ? Quelles en sont les sagesses ? On le verra, inshallah ta'ala. Et on parlera de la da'wa qui a commencé, mais la da'wa as-sirriya. C'est-à-dire la da'wa discrète. Avant qu'Allah Azza wa Jal ordonne au prophète alayhi salam de proclamer au grand jour sa da'wa, et on en tirera aussi les morales et on verra les sagesses, inshallah ta'ala, wallahu ta'ala alamu ahkamu akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil